l'université Scopernic, ça arrivait dans les années 70 quand j'étais proche du bac. Et en fait, l'université, c'était quelque chose qui était justement considéré comme un lieu où on allait comprendre ce qu'on allait faire dans la vie après. C'était plutôt, ceux qui allaient en prépa, c'était plutôt les gens un peu bornés, quoi. Enfin, et ceux qui étaient un petit peu plus ouverts à l'université se formaient, faisaient autre chose et sortaient des étudiants. Très bien. En fait, les étudiants des grandes écoles. Alors, l'université passe, enfin, justement, effectivement, à mon avis, plutôt les meilleurs enseignants. Et d'ailleurs, on voit bien que les étudiants des grandes écoles qui veulent faire un boulot intéressant, c'est dans la recherche, par exemple, ils reviennent à l'université. Donc finalement, une université qui marche comme ça, pourquoi pas, c'est pas utilitariste, effectivement, on prendrait des bacs cours. Alors après, il y a peut-être des petits aménagements à faire. Ce pas les aménagements qu'on fait en ce moment qui sont genre des modules d'insertion professionnelle qui n'ont rien à voir avec l'université, tout ça. Ça, il faudrait effectivement les balayer, ce que ne font pas les gouvernements. Et je pense qu'il faut en fait laisser l'université telle qu'elle est, simplement la revendiquer telle qu'elle est et affirmer haut et fort qu'on ne fait pas de sélection, typiquement. Et les gens continueront à s'orienter grâce à elle. Et en fait, capter les idées de l'université. Je peux répondre tout de suite là-dessus, puis oui, tout à fait, parce que j'ai partagé longtemps votre point de vue, mais je crois que c'est un point de vue totalement daté. C'est l'université que j'ai fréquentée, c'est comme ça que je l'ai vécu. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, j'ai quasiment jamais suivi aucun cours pendant 4 ans. Bon. Et ça m'allait très bien comme ça. Et c'était à une époque où on allait suivre ce qu'on voulait. Je ne suivais pas les cours à l'université, mais je suivais des cours à l'école pratique, c'était pas encore le HESS, etc. Et je vois des amis, ben c'était pareil, soit ils méditaient, ils allaient au cinéma, ils allaient suivre les séminaires de Lacan, ils allaient... Bon, ça marchait très bien comme ça. On n'est absolument plus dans ce cadre-là. Les étudiants qui sont là, c'est ce que j'ai essayé de détailler un petit peu tout à l'heure, les chiffres que je vous ai donnés. Quand vous avez les 3/4 des étudiants, ou les 4/5 des étudiants de première année, qui ne savent pas écrire 3 lignes en français, c'est quand même de ça qu'il s'agit, si vous voulez. On n'est absolument pas dans le cas de figure que vous décrivez des étudiants, des joyeux étudiants des années 70. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, je sais très bien, puisque c'est ce que j'ai vécu moi-même, si vous voulez, il n'y avait aucun souci de débouchés professionnels. Moi, j'étais recruté à une époque, comme assistant de sociologie de Claude Lefort, ça m'a pris 3 minutes. Claude Lefort m'a proposé un poste, j'ai dit oui, puis voilà, c'était fait. Je n'avais pas à me battre contre 120 candidats sur un poste de maître de conférence. Et là, je parle des meilleurs étudiants qui arrivent à ce stade-là, si vous voulez. Donc, cette insouciance vis-à-vis de l'emploi, des fins utilitaires, pour moi, elle est formidable. C'est ce que j'ai vécu et c'est ce que j'aimerais sauver. Mais vous n'allez sûrement pas la sauver en faisant comme si de rien n'était dans l'université actuelle. Absolument plus dans le même monde. Je ne dis pas de rien, ça veut dire de le revendiquer. Mais le revendiquer, vous pouvez toujours le revendiquer avec des étudiants qui sont bêtement paumés en première année et qui, pour les 4-5e, sont là pour de toute autre raison que celle que vous dites. Ça ne peut pas marcher. C'est là-dessus, moi, je ne suis pas d'accord. Quelqu'un d'autre merci. C'est là-dessus, je ne suis pas vraiment d'accord, mais bon, vous allez voir d'autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec les chiffres que je vous ai donnés? Mais est-ce que de rappeler quelques faits? Moi, donc je ne voulais pas prendre la parole, mais. Oui. Alors je suis un pur produit des grandes écoles et tout ça. Et alors c'était terriblement anti-utilitariste, moi je regrette. Les scientifiques, ils apprenaient des maths spéculatives, ça sert strictement à rien. Et nous, littéraires, on ne savait absolument rien, sauf du latin et du grec. Bon. Alors, par ça, on était vachement à gauche. Hein, et quand même très très militant. On consommait strictement rien, ça c'était merveilleux, mis à part les places de cinéma et les livres parce qu'on était grands lecteurs, et puis on passait notre temps à faire de la politique, etc. etc. Bon, c'était ce que c'était, mais ça marchait. Et moi comme pédagogue, j'ai été quand même longtemps prof de collège, c'est ça qui me choque dans ce que... Ce qui importe, c'est de faire faire un progrès à l'étudiant ou à l'élève. Même si mince que soit ce progrès, si on lui a fait faire un progrès, s'il n'est pas capable d'écrire 3 lignes de français, mais si après avoir suivi une année de cours, il est capable d'en écrire 2, c'est déjà quelque chose. Et puis je ne suis quand même pas tout à fait d'accord avec ce diagnostic. Nos étudiants, même dans... collège et le lycée, c'est quand même pas ça. Le problème, c'est que leur savoir est effectivement il est parcellisé parce qu'ils savent beaucoup de choses, ou même des choses qu'on ne sait pas. Mais, et ça, il y en a une foule de choses qu'on ne sait pas, parce qu'on n'en sait pas beaucoup, hein. Ce serait une erreur de le croire. Et donc, c'est ce dont ils sont victimes, c'est précisément ce que vous appelez le parcellitarisme. C'est ça, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de mettre ensemble, pour en faire quelque chose, les milliers de choses qu'ils savent. Et de ce point de vue-là, moi, je continue à croire à la pédagogie. Et ce qui me frappe, c'est que je suis en accord vraiment très profond avec l'analyse que vous faites, et peu avec les conséquences et ce que vous proposez. Parce que je pense que c'est pas totalement comme ça que ça se passe, et que finalement la question à laquelle dans votre exposé vous répondez pas totalement, c'est ce qui fait le commun. Hein? Comment le commun se construisait? Moi, j'ai une réponse qui est philosophique, qui est pas que c'est sous le principe de l'égalité, que c'est l'égalité, le principe fondamental qui permet de construire des choses en commun. Et ce qu'on reprend à l'université à l'heure actuelle, c'est précisément qu'elle repose quand même sur un principe de l'égalité. Alors moi, je regrette, je suis encore au temps où j'ai passé un examen en entrant en sixième. Est-ce que c'était inégalitaire? Oui. Mais ça ne le serait pas si on permettait à ceux qui n'avaient pas réussi cet examen de avoir un système scolaire permettant d'épanouir leur potentialité. Hein, et c'était le cas, c'était pas le cas. Mais enfin, à ce temps-là, il y avait un enseignement technique qui menait à des emplois, hein, les ouvriers professionnels, les techniciens, etc. Évidemment, ça n'est plus le cas. Alors bon, moi je suis pas, j'ai pas des prétentions de. Je suis aussi parcellisé, hein, dans ce que je sais faire. Et c'est terrible. On est à peu près le même âge, on a un peu des expériences qui sont largement. Cohérent, et moi j'ai une grande admiration pour vos travaux, hein, je dois le dire, il y a des choses. Je pense bien avec votre exposé que nous ne serions pas d'accord sur cette affaire d'université. Nous ne le sommes pas. Vous ne me ferez pas croire que un système qui condamne 95% des bacheliers professionnels à l'échec est un système qui fait triompher l'égalité. Ça, je ne pourrais pas l'accepter. Non, mais parce que l'égalité est un principe qui est totalement contradictoire avec tout ce que vous avez posé sur les transformations que vous avez. Bon, Gary Becker, c'est quand même un homme qui a eu une influence sur la transformation politique et sociale du monde, hein, depuis les années 70. Quelque chose qui est absolument inimaginable. Et c'était une force purement spéculative. C'est extraordinaire. Nous sommes d'accord là-dessus, c'est ce que j'ai expliqué. Oui, on est absolument. Moi, je crois qu'on est d'accord sur des tas de choses, sauf sur les solutions. On va continuer sur les solutions. Christian. Oui, on reste peut-être sur ce thème, parce que j'aimerais aussi faire quelques observations sur la question de la fameuse interdisciplinarité. Bon, les remarques que je voudrais faire sur le problème de l'université sont, je les fais avec modestie, parce que moi, j'ai jamais enseigné à l'université. Donc, quand on passe son temps ici à fabriquer des docteurs, évidemment, on reproduit ce que je revendique mon expérience. Voilà. Et donc, je parle de choses que je ne connais pas, et je l'avoue, tant mieux. Néanmoins, enfin, une chose qui me trouble un peu dans votre exposé, et d'autres exposés, d'autres. Membres de l'équipe des fondateurs ont été plus explicites à cet égard. Il y a quand même un gros souci, c'est qu'il y a tous ces bacheliers pro-techniques qui arrivent à l'université, et c'est ça. C'est ça que j'entends d'abord. L'autre aspect, évidemment, de la chose, c'est qu'il y a les bons élèves du lycée qui partent faire ailleurs. Et vous dites, bien sûr, faisons des bicursus pour les attirer, quand on peut les faire, ça marche, sauf que pour les faire, il faut des moyens. Et votre souverain mépris pour la question des ressources et de l'université me Les bicursus peuvent absolument se faire à la condition que l'ensemble du dispositif UTR français soit traité avec une relative égalité, qu'on ne soit pas dans le régime de l'excellence d'un côté et de l'université garage de l'autre. C'est ce que le gouvernement depuis Sarkozy veut nous faire faire, ça continue aujourd'hui. Donc si on veut effectivement remonter les diversités, il faut faire des propositions qui soient pédagogiques, vous les avez esquissées, mais qui soient aussi politiques sur l'exigence que l'université reçoive les moyens et par conséquent que tout ce système qui est fait pour les lui enlever soit fondamentalement critiqué. J'aimerais entendre l'aspect politique de ce que vous avez. L'autre aspect, c'est la sélection. Vous êtes prudent sur cette question. D'autres le sont moins. Faut-il considérer que le baccalauréat n'est pas le premier diplôme universitaire? Certains refondateurs disent oui, tant qu'on n'aura pas admis ça, on va dans le mur. Vous ne l'avez pas dit. Qu'en pensez-vous? Je termine par une autre observation. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Il va se passer que la sélection, elle va se faire. Pas en changeant la loi, parce que ça, le gouvernement d'aujourd'hui, comme celui d'hier, a la terreur de l'explosion étudiante, évidemment, et vous aussi d'ailleurs. Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'instaurer des droits d'inscription et les bacheliers professionnels, soyez tranquilles, dans 5 ou 10 ans, ils seront plus, bien non plus, vous embêter dans vos amphis en rendant la première année infernale. Voilà ce qui va se passer, et si on ne se bat pas non plus contre ça, et j'aimerais que les refondateurs parlent de ça aussi, c'est-à-dire disent l'augmentation des droits d'inscription, nous sommes contre, c'est pas comme ça qu'on va résoudre les problèmes. Parce que ce qui m'a frappé, je termine, Madame Pécresse était ravie de vous écouter. Moi, je m'en souviens très bien. Ah, mais nous allons discuter, chers collègues. Elle n'a pas discuté. Bon, il faut faire un petit peu attention aux conséquences de ce qu'on dit. Voilà l'invitation que j'ai préférée. Les conséquences sont très simples. De toute façon, personne ne touche à rien. Donc, on peut dire absolument ce qu'on veut. Ça n'aura strictement aucune importance. L'alliance du conservatisme, ça, on l'a fait déjà. Oui, bien sûr. Bon, mais pour vous répondre très simplement. Je n'ai aucune objection à ce que l'université reçoive davantage de moyens. Simplement, je pense que ce n'est pas le problème premier. Voilà. Et que les syndicats ont trop tendance, ou la gauche, pas seulement la gauche, tout le monde d'ailleurs, l'université, a trop tendance à s'abriter derrière ce discours-là. Si seulement on avait plus de moyens, il n'y aurait aucun problème. On pourrait faire de la pédagogie pour les étudiants, etc. C'est pas vrai. Le problème fondamental, il est dans la délégitimation radicale de tous les savoirs universitaires face au non-savoir des écoles. C'est ça le problème fondamental, si vous voulez. Alors après, dans ce cas de problème fondamental, il y a les problèmes plus particuliers. La sélection, qu'est-ce qu'on fait des bacheliers techniques ou professionnels, etc. Bon, vous dites, c'est curieux, de certaines façons, on va polémiquer un petit peu. Vous dites, de toute façon, le problème sera réglé dans 10 ans grâce à l'augmentation des droits de l'université. Bon, là, à ce moment-là, si c'est réglé comme ça, n'en parlons plus. Mais je ne crois pas du tout que ça soit le cas, si vous voulez. Je crois qu'il faut vraiment l'avoir. Nous espérons non. Nous espérons tous que non, c'est vrai. Et d'ailleurs, personne parmi les refondateurs, même s'ils ont manié, je l'ai dit tout à l'heure, très imprudemment ce thème de la sélection, encore une fois, j'ai tout fait pour les empêcher d'aller dans cette direction-là, catastrophique d'un point de vue politique, ça empêche absolument tous les débats. Absolument tous les débats. On se polarise sur des faux débats, et on n'avance pas du tout. Mais qu'est-ce que je veux dire? Attends, j'ai un trou dans mon argumentation tout à coup. Vous êtes contre la sélection? Je suis contre la sélection. C'est pas qu'on se débarrasse. Ce que je veux dire, c'est que personne n'a dit qu'il fallait s'en débarrasser, y compris les plus non politiquement corrects de mes amis. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit simplement l'évidence absolue que des bacheliers techniques, professionnels plus exactement, à 95%, ils échouent en licence. On en tire les conclusions, on ne les tire pas. La conclusion, elle est relativement simple. S'ils échouent en licence et qu'ils ne sont pas suffisamment formés pour les formations universitaires, et que donc il faut faire une année préparatoire supplémentaire. C'est ce qui se passe en réalité. Simplement, au lieu de se masquer la face, et de crier égalité, égalité, on ne veut voir aucune différence, ben on regarde les choses en face. Et si on regarde les choses en face, ça veut dire qu'on ne donne pas le même enseignement à des bacheliers professionnels qui ne savent pas. Pour beaucoup, écrire 3 lignes en français. Vous n'avez pas enseigné en fac. Moi, je suis parti à la retraite 2 ans plus tôt que j'aurais pu le faire. Je n'en pouvais plus d'avoir des copies qui n'étaient pas du niveau certificat d'études, et d'étudiants, pour qu'ils disent même qu'ils puissent lire un livre, était quelque chose qui leur semblait rigoureusement inconcevable. C'est comme ça la réalité qu'il faut regarder en face. Donc si vous continuez à vouloir donner les mêmes enseignements, avec les mêmes enseignants, dans le même cadre, à des bacheliers professionnels qui ne savent pas ce que c'est d'écrire en français ou de lire un livre, et à des bons étudiants qui sont passionnés par le savoir, vous allez décourager encore plus. Je m'excuse de parler des bons et des mauvais étudiants. Qu'est-ce que je vous dise d'autre ? C'est la réalité. Je peux mentir jusqu'à la fin des temps, mais ça ne résoudra pas les problèmes. Est-ce que ce sera une solution suffisante ? Parce que vous avez dit aussi que ces étudiants-là n'étaient pas seulement un niveau pas adapté, ils étaient aussi hostiles. Bien sûr, ils sont hostiles, puisqu'on leur vend un mensonge absolu. Le mensonge de la démocratisation par l'université, le mensonge de la promotion sociale par l'université, ça ne marche pas. Comment voulez-vous qu'ils ne soient pas furieux contre ce qu'on leur offre ? Évidemment qu'ils sont furieux. Donc il faut sortir du mensonge. Et sortir du mensonge, ça veut dire qu'on ne donne pas le même enseignement à des bacheliers, des bacs généraux de bon niveau, qui sont passionnés par le savoir, et à des bacheliers professionnels qui sont là parce qu'ils ne savent pas où aller, et qui pour l'instant ne veulent pas aller. Donc il faut leur donner une formation adaptée. Il ne s'agit pas de ne pas les recevoir, il faut leur donner une formation adaptée, c'est tout. J'aimerais vous entendre un peu plus sur qu'est-ce que vous voulez leur transmettre à ces étudiants-là et savoir, parce que vous dites ils n'ont pas de niveau, ils n'arriveront pas à lire un livre. Et j'ai l'impression qu'on reste sur une vision assez traditionnelle du savoir qui passe par une connaissance, le livre. Mais en fait, je pense qu'il y a une réflexion à avoir là-dessus aussi sur... à l'université, qu'est-ce qu'on veut transmettre et comment on veut construire d'un point de vue pédagogique ce qu'on veut transmettre en fait. C'est-à-dire par exemple avec tous les nouveaux moyens de communication, etc. Le fait que je donne cours à l'université, quand je donne cours, les étudiants sont sur Wikipédia, ils peuvent très bien vérifier ce que je dis ou ce que je dis pas. Et c'est très stimulant parce qu'en fait ça amène à se redemander quel est son rôle en tant que professeur. Parce que c'est Wikipédia qui a raison contre lui. Oui, parce que c'est ça le mauvais problème, parce que généralement, c'est pas vrai. Non, en fait, c'est l'enseignant qui a raison contre lui. Ils disent pas du tout que Wikipédia a raison contre moi, et j'ai pas... J'enseigne en initiation à la géographie, en L1, à des élèves qui viennent de sciences sociales. Donc il y en a, ils ont vraiment rien à faire de la géo, et voilà, ils sont obligés. Et en fait, j'ai un sympa qui ne peuvent pas écrire français, il y en a qui sont très bons, etc. Mais je trouve que la manière de les emmener, la manière de les emmener d'écrire zéro ligne de français à la fin de l'année, qu'ils écrivent un paragraphe entier, ça n'arrive pas à chaque fois, mais ça arrive, c'est justement d'aller au-delà de vous n'avez pas le niveau, vous n'avez pas écrit un paragraphe. Vous ne savez pas. Mais. C'est d'aller au-delà de ça, en fait. C'est que moi aussi, je suis vraiment frustrée. Je suis le produit de la méritocratie républicaine, grande école, tout ce que vous voulez. J'ai débarqué à la fac, j'étais complètement stupéfaite, évidemment. Mais ma manière de réagir, c'est de... Je vais pas rester sur ma colère, en fait. Et en réfléchissant sur quel savoir on veut leur transmettre et comment on leur transmet, ça change tout. Entre ma première et ma deuxième année d'enseignement, le progrès était complètement différent. J'ai plusieurs classes. Mais encore une fois, je n'ai rien contre ce que vous dites. Je passe mon temps à dire qu'il faut une formation spécifique. Il n'y a pas de réflexion sur la savoir, qu'est-ce qu'on veut leur transmettre. Vous dites qu'il faut juste qu'ils apprennent, qu'ils puissent savoir écrire et lire un livre. Je n'ai pas dit juste ça, je n'ai pas parlé de tout. Moi, j'ai parlé 30 secondes de ces affaires de réforme du savoir, je n'en ai pas parlé. Mais je pense qu'il y a une réflexion à avoir là-dessus et qui peut aider à la réforme de l'université. Oui, il y a une réflexion si vous voulez, mais je n'ai aucun problème là-dessus. Simplement, ne nous masquons pas la réalité fondamentale qui est en amont de ça. Ça suffit pas. Moi, je voudrais toujours faire la pédagogie, ça ne fonctionne pas. Tu voudrais intervenir. Alors, moi, ce qui me vient à l'esprit, là, effectivement, moi, je ne suis pas une spécialiste en sociologie. Moi, j'interviens dans des écoles de travail social. Donc, j'ai eu un parcours. Alors, moi, je vais parler de mon parcours. Parce qu'on peut rester sur des choses comme ça, assez générales. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que dans la sociologie, il y a un cours savante sociologique qui s'appelle Les Histoires de vie, hein, l'école de Chicago. Bon, moi, je suis quelqu'un qui est, à un moment donné, repris des études. Hein, ça s'appelait au démarrage sciences sociales et après, c'est devenu sciences de l'éducation, option de travail social. Et moi, j'ai essayé. Moi, je peux vous dire quelque chose, c'est que la première fois que je suis arrivée à l'université, j'ai commencé à bosser en usine. Pour moi, c'était effectivement un monde qui ne m'était absolument pas destiné. Et ça, c'était quand même très important, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas comment j'ai fait, mais en tout cas, à un moment donné, j'étais arrivée là. Et dans tout, dans votre discours, que d'ailleurs, moi, je trouve intéressant sur l'analyse des systèmes, ce qui m'interpelle, et c'est en termes de réflexion, c'est pas du tout en termes de jugement, parce que justement, ce qui est intéressant, c'est... Moi, j'ai travaillé en autogestion. Donc, pour moi, le collectif est très important. Ce qui m'interpelle, c'est qu'actuellement, il me semble que le concept de classe sociale a un peu disparu. Bon, alors, moi, je voudrais un peu repartir de ça, c'est-à-dire qu'à l'époque, enfin, moi, je suis une dame d'un certain âge, hein, je veux dire que... Alors, moi, j'aime bien Bourdieu, il est très controversé, mais c'est vrai que son concept de la reproduction et des héritiers, etc., c'est un peu ce dont j'avais l'impression que vous parliez en partie. C'est-à-dire que qui arrivait dans les universités, qui était effectivement un endroit où moi, j'ai pu avoir envie d'avoir, d'y aller, mais c'était un désir complètement imaginaire. Hein. Qu'est-ce qui pouvait me permettre à moi, petite bretonne, hein, de province, ayant eu un cursus, un plan d'échec scolaire, à un moment donné de pouvoir être arrivé à l'université, il y a eu effectivement l'enseignement professionnel qui m'a permis à un moment donné de gravir des échelons, etc. Et bah maintenant, je fais philo un peu enfin, à Paris 8 et je suis allée à Paris 8 parce que justement, ça avait été une université qui, à une époque, alors maintenant c'est un peu un mythe, qui avait ouvert ses portes aux ouvriers. Moi, ce qui me gêne dans la notion de sélection, c'est qu'à un moment donné, il y aurait comme ça des gens qui seraient aptes à pouvoir faire des études supérieures et puis d'autres qui ne le seraient pas. Alors, moi, je peux être d'accord avec soi. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, des gens ont accès à un certain savoir et d'autres pas? Et ça, pour moi, c'est une question de fond. C'est-à-dire qu'en même temps, il n'y a pas des gens complètement bêtes et des gens complètement géniaux. Il y a à un moment donné un système de classe et de caste qui fait qu'il y a des gens qui ont accès à une forme de savoir et d'autres pas. Pour moi, moi je pense ça. Et actuellement, la crise des universités, donc moi, je ne vais pas théoriser là-dessus parce que j'en suis bien incapable. Par contre, j'essaie de réfléchir. Moi, ce qui m'intéresse et qui m'interroge toujours, c'est de savoir où je suis, pourquoi j'y suis, qu'est-ce que j'y fais. Et ça, je trouve que c'est important. Alors, du coup, le savoir à l'université aujourd'hui, c'est une vraie question, parce que le savoir, c'est compliqué. Moi, moi, j'ai milité à TAP aussi, hein, donc c'était intéressant, parce que c'était un mouvement d'éducation populaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que... Alors, sur cette notion d'égalité, c'est compliqué, hein, c'est un concept très, très, très compliqué, mais en tous les cas, qu'il y ait un peu plus de gens qui aient accès à un peu plus... Enfin, de bien-être dans un système où il y aurait par exemple la production des richesses qui serait un petit peu plus un petit peu plus pour tout le monde. Alors là je sais que ça peut créer je sais que ça, moi je suis une utopiste et une humaniste et pour moi un système à un moment donné c'est pour que pour le plus grand nombre ait le plus entre guillemets de bien-être possible. Ça ne veut pas dire qu'on enlève le système de sélection. Mais il faut faire attention dans le discours qu'on tient, parce qu'en parlant du totalitarisme, et c'est intéressant tous les concepts que vous construisez, mais après l'accès au savoir, c'est l'accès au pouvoir. Et qui a accès au savoir et qui a le pouvoir? Et le pouvoir dans les systèmes de financement, d'évolution des universités, des grandes écoles, etc. Moi, je m'arrête là. Je vais conclure en une minute. Oui, madame, peut-être une question, puis après, passer le mari, vous allez là-bas. Exactement. Je voulais Michel. Non, après. Après toi. Vas-y, mais. D'accord. Disons des points très très pratiques et relativement courts. D'abord, nous avons eu déjà une séance sur l'université. Cela dit, c'était deux jeunes collègues plutôt enthousiastes. Et donc là, ils ont montré. Donc je voudrais que quelqu'un regarde à nouveau les conclusions de cette séance. C'est pas moi qui va. C'est ceux qui ont le sort de l'université n'est pas en crise. Oui, ça. Voilà. Donc déjà, ça change un peu par rapport à disons, à certaines conclusions. Ensuite, pour rester dans le plus concret possible, le discours de l'augmentation des droits. D'abord, ça est passé sous la forme, très souvent, comme par ailleurs une brèche qui a déjà été ouverte en Angleterre, ils disent d'abord, on fait augmenter, les droits pour les étrangers. Ce qui aura pour conséquence totale, déjà, de détruire l'école des hautes études. Mais ça, c'est un petit détail. Mais disons, déjà, on a décidé de faire un système à tiroir. Donc, on aura des divisions de ce type qui après, bien sûr, réagiront sur d'autres classes d'étudiants. Et enfin, c'est un détail vraiment minime, mais disons... Je ne peux pas dire si l'université française est plus en crise que les autres, il me paraît tout autant, et peut-être moins qu'en Italie, par exemple, mais disons, je suis désolée, mais ce n'est pas vrai que le système universitaire français peut-être est divisé, est le seul à être divisé, donc de cette manière, avec l'université complètement à part. Il y a des gradations tout à fait différentes dans d'autres systèmes universitaires, et c'est trop long d'y entrer, mais je pense qu'il faudrait nuancer seulement cet aspect-là. Cela dit, je ne nie absolument pas la crise, bien sûr, que vous décrivez. Michel ? Oui, je voudrais revenir sur les considérations que vous avez développées au début de votre exposé sur l'application de la théorie des choix rationnels à l'ensemble de la pratique sociale et au développement du modèle de l'homo economicus qui a envahi tous les champs du savoir des sciences sociales. Et vous nous avez expliqué que, si j'ai bien compris, que cette mutation, cet étonnement en quelque sorte de la sociologie par l'économie, était survenue au moins une décennie avant la globalisation, le phénomène de globalisation néolibérale, qui est en réalité, comme vous l'avez dit, plutôt une parcellarisation généralisée de toutes les activités humaines. Donc, ça suscite quand même une question, enfin une interrogation, c'est qu'il semblerait que la mutation de la science ait précédé celle de son objet. C'est un petit peu étrange. En général, c'est plutôt le contraire qui se produit. La science s'adapte aux mutations de son objet plutôt que de celle. Donc on peut se demander, je pense que vous l'avez un peu suggéré, si il ne s'agit pas là de deux avatars d'un même motif, ou plus exactement du passage du motif, peut-être un motif totalitaire, un motif... parcellaire. Okay. Alors, moi, ce qui m'interroge, c'est la rationalité historique qui peut bien y avoir derrière cette inversion. Parce que, bon, l'inversion qui, d'ailleurs, pour moi, évoque, par exemple, le passage de la certitude sensible à la perception dans la phénoménologie de l'esprit, ce passage d'une vision globale de l'objet à une vision complètement parcellarisée. Alors, bon, chez Hegel, on s'explique très bien ce passage, c'est la rationalité de l'esprit qui conduit naturellement à cette transition, mais. Nous, on est dans une situation, dans une perspective historique, donc moi, je me pose la question, quelle est la rationalité historique qu'il y a derrière ce que vous avez décrit comme une inversion de ce motif, de ce passage du global au parcellaire. C'est la question que... Je réponds en deux mots après tout ça. Bon, d'abord, merci de poser une question aussi sur cette question du parcellitarisme qui, à certains égards, m'intéresse plus que la crise de l'université, dont on a amplement parlé. Vous êtes surpris en disant que par l'idée que le savoir pourrait venir avant la mutation de la réalité. Moi, pas tellement. je crois qu'on peut vraiment montrer, et je ne suis pas le seul à le penser, que la science économique n'est pas vraiment une science, qu'elle est principalement performative. C'est-à-dire qu'elle crée ce qu'elle prétend analyser. C'est les effets de l'idéologie, si vous voulez. C'est la réponse générale. Après, ce qui me frappe dans la discussion, c'est qu'effectivement, tout s'est polarisé sur, pas tellement sur ce que j'ai dit sur l'université, mais sur ce que la plupart des participants ici ont pensé que j'avais dit sur l'université. Qu'est-ce que je dis finalement? Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai donné quelques chiffres, dont personne d'ailleurs n'a voulu les prendre en considération. Mais ils sont vrais. Ben oui, ils sont vrais, ils posent quelques problèmes. Voilà. Sur des taux d'échec vertigineux, sur la désaffection généralisée de l'université par tous les étudiants, fondamentalement, sauf ceux qui n'ont pas le choix d'aller ailleurs qu'à l'université. C'est ça la réalité, si vous voulez. Ce que j'essaie de rappeler, simplement. Après, il y a des tas de discussions. Il trouve que sur les valeurs centrales, on est très largement d'accord. Moi, j'ai passé toute ma carrière universitaire à essayer de développer le type d'enseignement dont vous parlez et dont parle madame, contre d'ailleurs la plupart de mes collègues. Parce qu'il faut même rappeler que les universitaires sont des gens très parcellisés dans leur savoir très, très spécieux, si vous voulez. Donc, moi, j'ai passé mon temps à essayer d'enseigner à des gens venus de tous les horizons, notamment du travail social, etc., et à essayer de sauver l'idée même d'université par cette circulation entre des champs de savoir différents. Ben, la rue des Vosges, on circule entre l'économie, l'anthropologie, l'histoire, la philosophie politique, etc. C'est ça que j'essaie de sauver. Et simplement, je ne vois pas comment on peut essayer de sauver cet idéal universitaire que les universitaires ne respectent pas eux-mêmes généralement, comment on peut essayer de le sauver à partir du moment où l'université est dans un déclin de légitimité absolue. Et là encore, on parlait tout à l'heure de l'université que vous avez connue et aimée, que j'ai connue et aimée, dont j'essaie de sauver quelque chose, ce n'est plus celle-là. Alors, d'ailleurs, autre information concrète, un étudiant actuellement, comme nos collègues ont peur de ne pas avoir d'étudiants, les étudiants sont obligés de suivre à peu près 30 heures de cours par semaine. Vous imaginez comment vous pouvez vivre comme ça? Et c'est de la folie furieuse. Écoutez des gens qui vous emmerdent toute la journée pendant 30 heures par semaine, comment vous voulez avoir le temps d'aller au cinéma, d'aller prendre un café, de discuter, de lire un bouquin pour le plaisir, etc. C'est déjà totalement impossible, si vous voulez. Alors, mes collègues me disent, oui, mais les étudiants ont changé. On ne peut plus, c'est plus les étudiants humanistes, libres, de bon niveau social qu'on avait il y a 30 ans. Il faut les prendre par la main, sans ça, ils n'avanceront pas. Mais bon, d'accord, mais c'est du bachotage permanent, et ils sont là à recopier ce qu'on leur dicte. Tout ça est absurde. On n'est absolument plus dans le modèle universitaire que vous avez connu, que vous avez aimé, que j'ai connu, que j'ai aimé. C'est ça le fond de mon propos. Encore une fois, personnellement, je n'ai rien dit, ni sur la pédagogie. C'est pas la question. Mais non, c'est pas la question. Bien sûr que oui, il faut de la pédagogie. Bien sûr que oui, il n'y a pas que des livres dans la vie. Bien sûr que oui, il y a le cinéma. Bien sûr que oui, il y a Wikipédia. Bien sûr que oui, il y a 30 minutes. C'est pas ça dont je parlais. La question, c'est qu'est-ce qu'on sauve d'un idéal universitaire, fondamentalement. Dans un contexte actuel, qu'il faut regarder en face, au lieu de se voler la face en ne voulant pas regarder les chiffres. Voilà, mon dernier mot en la matière. Merci.